l'essentiel. Bonjour tous et vous toutes, voici les 13h passées de 30 minutes et bienvenue avec le retour pour l'émission du vendredi après-midi. Voilà aussi, j'espère que vous avez passé une très bonne matinée ainsi qu'on va, vous et on va tous, bien continuer de passer l'après-midi tout simplement bien avec sur le soleil. Voilà donc, et bien, sans plus tarder, on continue bien sûr les chansons, tout simplement, et voici le Hadaway. Ah, avec son titre What is Love et puis d'autres chansons différentes. Bon après-midi, vous tous et vous toutes. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici tout simplement le groupe collectif Métissé avec Balada Chuck Chuck et puis juste après eux, tout simplement, avec Mr. Kedji. Thank you.

Natacha Saint-Pierre avec Viens soir, ma lumière, et puis juste après c'est Garou. Dans les rues de Calcutta, où l'on peut croiser tes pas, et les graines de l'amour semées sur tout ton parcours. Tu as donné tant de joie et livré tant de combats, entouré au fond de toi en entendant cette voix. Dieu, c'est le fruit de ta prière, si fidèle sur la terre. Lise sur ton visage la force du témoignage. Tu es allé jusqu'au bout, tu as aimé malgré tout.

juste après Ken Girac, voici donc les Frangines avec Donnez-moi. Et puis juste après, ça sera Dany Briand. Car tu crois quand on aime que blême. On renonce à tout ça. C'est blanc, un jour c'est noir, un jour beau temps et puis plus d'espoir. Un jour je suis l'homme de ta vie, on fait l'amour et puis tu t'enfuis. Un jour tu dis que je suis tout, et puis tu ne dis plus rien du tout. Comme l'hiver et le printemps, ton amour change de saison. Tu parles trop, puis plus un mot, ton cœur a froid puis il a chaud. Tout le monde a ses soucis, tout le monde veut refaire sa vie. C'est qu'ils n'ont pas encore compris qu'il faut laisser la place. C'est naissant se confondre, on n'a plus se fondre. Si l'amour nous enchaîne, un jour il finira. Garde-moi, l'amour est là, il nous appelle, il nous tend les bras. Si tu as peur de ton bonheur, laisse parler la voix de ton cœur. Si je ne suis pas comme tu veux, ce que je suis peut-être un peu mieux. Regarde-moi, je suis heureux, et l'amour est là dans mes yeux. Laisse-toi faire, car rien n'est mieux de vivre une vie à deux. Je ne veux pas tout faire avec toi, car tu dois vivre aussi pour toi. Je veux juste être à tes côtés, me garder la distance. J'ai besoin d'un échange, d'un bonheur sans mélange, qui se donne sans nous prendre et qui ne finit pas. Génération en génération, des chansons souvenirs avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur. Voilà donc, ben je vous laisse avec deux morceaux portugais. On se retrouve juste après avec Annabelle, son titre Ton nom. Cine. chaka chaka. Il grande trappe di sangue, oh figa di mia pisinga, io me l'uglio del coscio. Chaka chaka chaka chaka. Il grande trappe di sangue, oh figa di mia pisinga, io mi prendo il grano. Chaka chaka chaka chaka. Il grande trappe di sangue, oh figa di mia pisinga, io me l'uglio del coscio. Chaka chaka chaka chaka. Il grande trappe di sangue, oh figa di mia pisinga, io mi prendo il grano. Sans fin. Arc-en-ciel. De soleil sauvage, quand nos esprits déménagent. Douces les couleurs des océans et les caresses du vent qui semblent arrêter le temps. On vit toujours sous le même soleil qui change les couleurs de la terre, qui fait danser les. C'est pourtant le même soleil qui brûle et qui désespère ceux qui prient pour un orage. D'où les mots d'amour chuchotés, les regards un peu voilés, quand nos corps sont fatigués. Ces mains qui se retiennent après des années de haine, quand les armes sont posées. On vit toujours sous le même soleil, mais rien n'est jamais pareil, qu'on soit d'ici ou là-bas. Et c'est pourtant le même soleil change la couleur de tes yeux quand il passe du vert au bleu. Toi, tu es né dans un abri, dans la violence et le bruit, sans les douceurs de l'enfance. Moi j'ai grandi dans un pays qui ressemble au paradis, dans l'amour et l'innocence. On vit pourtant sous le même soleil, mais rien n'est jamais pareil, qu'il brille ici ou là-bas. C'est le même soleil qui devrait tous nous rendre heureux. On dit que c'est le même soleil qui devrait tous nous rendre heureux. Voilà, donc après, tout simplement, il m'a fait Philippe Laville. Voici donc Julien Clerc sous mon arbre. J'ai poussé une sorte de vieux marronnier au centre d'une cour carrée, majestueux. Dans ses racines j'ai puisé la sève des grandes traversées, et mon pays je l'ai trouvé. Sous mon arbre, je me balance. Je me repose loin du cours des choses. Sous mon arbre, je me balance. C'est la pose. J'ai fait grandir mon feuillage ai mis mes enfantillages et nos enfants de tous les âges. Merveilleux, j'ai fait durcir un peu les corses pour nous donner le cœur la force de voir la vie et ses entorses. Notre cabane, nous petits dans tes bras de liane, à l'abri tu berces mon âme. Voici donc Lara Fabian avec Je serai à toi. Et puis celui d'Hervé Villard. Ce matin, l'amour couvre mes épaules endormies. Tu me réveilles, je suis à toi, toi. Sous nos draps de neige, nos deux corps se fondent. Tu me touches et je suis à toi. Et bouscule mes peurs. De toutes mes forces, je suis à toi. Salut Babette, regarde-moi bien toi, on dirait que c'est pas la grande forme ce soir. Ah, c'est encore lui, tu pourras dire qui t'en a fait baver celui-là. Allez, secoue-toi, bouge-toi, tu vas quand même pas pleurer. Tu sais bien que j'aime pas quand tu pleures, ta peine. Laisser tes yeux trahir ton cœur. Rien bon coup, dis que tu t'en fous. Faut surtout pas pleurer. Mais dis-moi Babette, à quoi tu joues en laissant se dessiner de l'ombre et des nuages sur tes joues. T'as plus d'amour mais t'as un ami. Un qui te dit, faut surtout pas pleurer. Tu sais bien que j'aime pas quand tu pleures. Rien bon goût dit que tu t'en fous, c'est tout. Tu ne vas pas me refaire le coup du somnifère, pas bête. Me jouer la grande scène, il n'en vaut pas la peine, Babette. Il s'en fout et tu l'aimes, avoue que ce serait quand même trop bête. Trop bête.

maintenant, tout le temps, c'est urgent. Oui, nous, c'est maintenant. Arc-en-ciel. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-ciel. Voici donc Jeanne d'Arking avec tout simplement eh bien, le titre Les Jeux Interdits, celui de Mireille Mathieu et tout simplement Eddie Mitchell. Yeah. chérie, les flics t'ont amené. Tentez de me raisonner, calmer et parler. Oh, garde tes nerfs, je flippe. Arc-en-ciel. C'est toi la meilleure. Voici donc deux titres rap, et puis on se retrouve juste après avec Amir. Avant que tu switches dans mon cœur comme un show de Reggie Miller, tu me dis que si ces négros veulent me voir, ils peuvent te passer sur le corps. Si je suis souvent parano sur les bords, c'est parce que mes ennemis m'attendent derrière la porte. Si je faiblis, je t'en prie, reste fort. Je te ferai la passe pour remonter le soir. Oh mon bébé. Car ma vie sans toi, il est hors de question. Tu me connais comme ta poche, je te connais comme mon direction. Je veux que tu portes plus aussi pour bloquer mon piston. T'en as plus dans le string que j'en ai dans le garçon. Si ces chiens m'attrapent, bébé, fais la rançon. Que je bute le boss, tu passes sous en question. Ah mon bébé, ah mon bébé, mon bébé à moi. Ah mon bébé, mon bébé à moi. Ah mon bébé, mon bébé à moi. Ah mon bébé, mon bébé à moi. Ah mon bébé, mon bébé à moi. Si ces chiens m'attrapent, bébé, fais la rançon. Protège mes arrières quand je gère nos affaires. L'amour à te donner, de la monnaie à faire. On s'est fait du mal, tous les deux, nos petits cœurs ont souffert. Mais on change pas une équipe qui gagne, on n'accepte pas la défaite. Nous deux, on fait la paire. Dans la galère, tu fais ma ta peur. Nous sortir de la merde, c'est tout ce que j'espère. Au nom du fils, au nom du père. Quand on fait l'amour, tous les deux, c'est super. Et m'illumine quand j'éteins ma lumière. Tu me connais comme ta poche, je te connais comme mon direction. Je veux que tu portes tes soucis pour bloquer mon piston. T'en as plus dans le style que j'en ai dans le garçon. Si ces chiens m'attrapent, bébé, fais la rançon. Que je buterai le boss, tu passes sous en question. Ah mon bébé. Ah mon bébé, mon bébé à moi. Ah mon bébé, mon bébé à moi. Ah mon bébé, mon bébé à moi. Ah mon bébé, mon bébé à moi. Ah mon bébé, mon bébé à moi. Si ces chiens m'attrapent, bébé, fais la rançon. Que je buterai le boss, tu passes sous en question. Ton papa, jolie maison, joli boulot, mais y'a quelque chose qui va pas. Non, tu veux paraître plus que parfaite, mais plus que ça, tu peux pas. Non, j'aimerais connaître le mec perfect, ma chérie, ça n'existe pas. Tu rêves d'amour et de passion, ma chérie, t'es pas ça. Tu veux créer des tensions, t'en prie, fais pas ça. Ça fait aïe aïe aïe, je sais que l'amour c'est compliqué. Bye bye bye, comme ça qui raconte piqué. Ne me dis pas que t'es fatigué déjà. T'as l'air d'aller comme ci comme ça. Je mens pas, ton cœur fait déjà. Que tu fais palpiter les gens. je te le dis. Tu me crois pas, mais je te le dis. Je peux faire ta planète un putain de paradis. Enfin, je me dis la vie est belle. Avant, elle était juste jolie. Ce nouveau monde, je m'en remets pas. Depuis que t'es là, je me connais moi. Et je me dis, j'y crois pas, mais je me dis que c'est pas dehors, mais dans tes bras que je veux passer la nuit. Je me suis levé avant le réveil. Pourtant, deux semaines, j'ai pas dormi. Je ressemble à rien, mais j'ai tout. Si tu respires mal, j'étouffe. Mais non, mais non, mais non, je ne bougerai pas. Même quand t'auras grandi, je me tiendrai là entre toi et la pluie. On m'avait dit, tu verras, tu verras. Je me contentais de sourire. Je t'avais pas vu venir. Comment faire? Je ne peux défaire mon regard de toi. Toutes ces choses qui ne s'apprennent pas, pas. Comment tu viens de m'appeler? Je rêve ou quoi? Est-ce que j'ai mal compris? Il est déjà l'heure d'éteindre la lumière. Mais je ne peux défaire mon regard de toi. Non, non, non. T'es si petit mais je tiens entre tes doigts. Depuis tout à l'heure je suis là, je balbutie. T'as sûrement rien compris. Mais plus rien n'éteindra jamais ma lumière. Des cris, sûr qu'il y aura des cris. Tu me mettras dans des états qu'on peut même pas décrire. Et puis je fondrai comme neige au soleil de tes sourires. Pas trop vite pour Hercule, y'a ton repas sur mon pull. Il est pas né celui qui t'enlèvera. Je pourrais faire des folies, je pourrais braver mille hommes devant la pluie. La seule question qui me vient quand je te vois, comment j'ai pu tenir tout ce temps sans ton sourire? Comment faire? Je ne peux défaire mon regard de toi. Toutes ces choses qui ne s'apprennent pas, pas. Comment tu viens de m'appeler? Je rêve ou quoi? Est-ce que j'ai mal compris? Il est déjà l'heure d'éteindre la lumière. Mais je ne peux défaire mon regard de toi. Non, non, non. T'es si petit mais je tiens entre tes doigts. Depuis tout à l'heure je suis là, je balbutie. T'as sûrement rien compris. Mais plus rien n'éteindra jamais ma lumière. les yeux éblouis de l'enfance retrouvée à marcher dans la vie, en oubliant la fureur et le bruit de ces temps de folie. Tu m'as appris à aimer et à aimer. Après Mireille Mathieu, je vous laisse avec Jean-Luc Lahaye et juste après, ça sera tout simplement Pierre Perry. Ne volez pas en forteresse, vaincu mes démons, mes peurs.

Arc-en-ciel. Voici donc le portier en chanson. Et puis juste après, Michel Sardou. Beijá-la cada segundo e ser o senhor do mundo para o mundo ser. Ela é amor, o amor e a verdade, a ternura e a saudade, é uma vida a cantar. Ela é a noite, é cobrir o sol de beijo, matar o meu desejo, sei que não é sonhar. Eu vou amá-la, vou fazer amor com ela, e numa estrela vai ser a lua de mel. Eu vou amá-la, vou fazer a vida deixarei de ser. Eu vou amá-la, vou fazer amor com ela, e numa estrela vai ser a lua de mel. Eu vou amá-la, vou fazer a despedida, nunca na minha vida deixarei de ser.

chaque fois. Si je t'avais exactement dans tes bras, j'aurai des enfants, mais ma sœur, moitié moi, mais pas moitié toi. J'embrasserai comme ça, un peu distrait, pas une fois, pas une. Tes mensonges te tiennent en laisse. Je pense que t'as besoin de médicaments. Médicaments. Tu prends toute la place dans la pièce. Ah, tu peux faire ton intéressant. Intéressant. Déjà, mais t'es dupe de ton comportement. J'avoue, j'ai toujours su. Tu m'en fais, tu m'en fais. Je sentais bien que tu m'en fais, tu m'en fais. Tu m'en fais, je sentais bien que tu m'en fais, tu m'en fais. Tu m'en fais, je sentais bien que tu m'en fais, tu m'en fais. Tu m'en fais, je sentais bien que tu m'en fais. Tu dis n'importe quoi, au fond je te connais pas. Tous tes mensonges tu vois, y'a que toi qui y crois. N'importe quoi, au fond je te connais pas. Tous tes mensonges tu vois, y'a que toi qui y crois. Tu mentais, tu mentais. Je sentais bien, tu mentais, tu mentais. Tu mentais, je sentais bien, tu mentais, tu mentais. Tu mentais, je sentais bien, tu mentais, tu mentais. Tu mentais, je sentais bien, tu mentais, tu mentais. Commence allongé

Pendant ce temps, Dave chantait Vanina. À Waterloo gagnait le groupe ABBA. Fredo à Chicago était le roi. Et je me présentais, oui, Jérôme, c'est moi. Je me souviens, qu'est-ce que c'était bien ces années-là. Je me souviens, comme ça se retient ces chansons-là. C'est elle les cris des filles et les pattes d'éléphant. Les fleurs sur les chemises et les cheveux dans le vent. Je me souviens, qu'est-ce que c'était bien ces années-là. Je me souviens, comme ça se retient ces chansons-là. C'est elle les cris des filles et les pattes d'éléphant. Les fleurs sur les le ciel ou l'enfer m'avalait. Elle est belle comme princesse de sang, de celle qui rend un homme faible et languissant. J'aime la fièvre étant de sang, cette fille m'échauffe les sangs. Comme un adolescent, je déraille bon sang. J'aime la fièvre dans le sang, cette histoire je le sens, ne finira pas sans effusion de sang. Si j'avais vu l'anneau d'or à son doigt, j'aurais fui, peut-être est-ce encore. Où veut en venir ce démon quand elle me dit supprime tout obstacle. Elle parle comme une princesse de sang, de celle qui rend un homme obéissant. La pierre donne le sang, cette fille m'échauffe les sangs. Comme un adolescent, je déraille bon sang. La pierre dans le sang, cette histoire je le sens. Effusion de sang. Est-ce que l'amour nous a fait puissant? Ne deviens pas un jour un poison puissant. La fièvre dans le sang, cette fille m'échauffe les sangs. Comme un adolescent, je déraille mon sang. La fièvre dans le sang, cette histoire je le sens. Ne finira pas sans effusion de sang. La fièvre dans le sang, le désir agissant. Comme un alcool puissant, je déraille bon sang. La fièvre dans le sang, cette histoire je le sens. Ne finira pas sans effusion de sang. Boris est chez lui. Il a éteint toute la lumière. Il a sorti pantalon à fat def, rouge, pompe blanche. Ce soir, attention, Boris danse. Ce soir, Boris, événement, c'est soirée disco. Boris, on peut l'appeler ce soir, il s'en fout. Il a débranché le téléphone. Ce soir, chez Boris, c'est soirée disco. Go, go, go. Casareille avec tout simplement sans chemise, sans pantalon et puis Richard Anthony juste après. Sans façon de vous présenter ma chanson, sans chemise, sans pantalon. À quoi bon vous aider au prix que vous chantez raison si sans chemise, sans pantalon. s'il y était, il nous mangerait. Quand j'étais petit, papa m'avait dit, fais attention, ne joue pas les moutons. Depuis j'ai grandi, la vie me sourit, je ne fais rien sans réfléchir. Dis, peux-tu venir? Allons dans le bois, le loup n'y est pas, le loup n'est pas celui que tu crois.

Arc-en-ciel. Voici donc deux morceaux de Zouk et juste après Linda de Souza, le portier. Bien coupé, décalé. Les gens sont en train de couper, décalé là-bas. Oh la prudence, y'a. Ça aussi, ça inquiète les gens. Coupé, coupé. Ils sont en train de gâter nos coins là-bas.

cidades. O Estado e a Altice terão sido lesados em mais de 100 milhões de euros. É a suspeita do Ministério Público na sequência das investigações que levaram à detenção de três pessoas, entre elas Armando Pereira, um dos fundadores da empresa de telecomunicações. Previsão para amanhã de uma pequena descida da temperatura num sábado que começa com algumas nuvens, mas depois será um dia de sol. Madeira com descida da temperatura máxima num dia cinzento e com chuva fraca, essencialmente a norte e nas zonas mais altas. Açores com um misto de sol e nuvens, com chuva fraca também prevista, mas pouco frequente. Nesta altura, no Porto, estão 22 graus, 23 em Ponta Delgada, 26 no Funchal, 27 em Lisboa e 29 em Faro. As notícias às 4, a edição é de Nuno Rodrigues. Os planos de segurança e de mobilidade para a Jornada Mundial da Juventude estão a ser anunciados esta tarde numa cerimónia que está a ser acompanhada pelo jornalista João Turgal. João, além do longo período de agradecimentos, o que é que já foi revelado em concreto de novo sobre os tão aguardados planos? Foram faladas algumas medidas de segurança. O plano de segurança foi o primeiro a ser apresentado, nomeadamente o reforço de segurança nos espaços públicos, mesmo que fora dos espaços da Jornada Mundial de Juventude, como forma de dissuadir comportamentos de risco. Ainda o reforço das redes de comunicações, nomeadamente as comunicações de emergência, e para lá do controle terrestre de fronteiras, o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, Paulo Viseu Pinheiro, apresentou também alguns condicionamentos por via aérea. Estão planeadas e serão implementadas medidas de controle e gestão do espaço aéreo, em especial a criação de 4 zonas de exclusão aérea em Lisboa e Fátima e limitações de exploração de 23 aeródromos. Os voos comerciais no aeroporto de Lisboa e Cascais estão permitidos, naturalmente. Serão adicionalmente reforçados os sistemas de detecção de aeronaves não tripuladas que não tenham obtido autorização de sobrevoo. São, de facto, alguns condicionamentos aéreos, mas que não põem em causa os voos comerciais para Lisboa e para Cascais. Foram também referidos que vai haver alguns mecanismos para evitar excesso de lotação dos recintos e a segurança direta do Papa será articulada entre a segurança pessoal do Vaticano e ainda a Polícia de Segurança Pública. Estes foram alguns dos dados do plano de segurança que foi aqui apresentado nesta sessão, aqui no, na sede.